regarde là ta voile, elle a les seins gonflés, la marée de ta tour t'a déshabillé. Les bateaux comme les filles, ça fait bien du chichi, mais ce genre de bateau, ça drape pas en Paris. T'as les yeux de la mer et la gueule d'un bateau, les marins c'est marrant, même à terre c'est dans l'eau. Ta maman a piqué sur ta tête de vieux chien, de brillant que tu piques quand t'embarques ton destin. C'est pas comme un avril 68, l'eau chute, tu t'en souviens, la mer, on s'en foutait, on était trois copains avec une tragédie, et puis ce chien perdu, tout prêt à se suicider, quand la mer se ramène avec des étrangers, au mouchien c'est pareil, on les regarde naviguer, et dans les rues de l'Orient, ou presque pour les sauver, il y a toujours un marin qui rallume. Regarde la taquille à la mer en allée, la marée de tantôt de la tout en jus. Les bateaux comme les filles, ça fait bien du chiquet. Mais quand on se fout à l'eau, faut savoir naviguer. T'as le cœur comme ces rocs, vêtus de chantilly, quand la tempête a fait un shampoing dans les mains. Ta maman t'accrochait deux encres de rocher, et les lignes de ta main, ça se lit au fond de la mer. C'est pas comme un avril 68, l'eau chute, tu t'en souviens, dans ces rues de l'emmerde, on était trois copains, au bout de mille nuits, et le jour qui se pointait, afin que rien ne se perde, quand la mer se ramène avec des étrangers. En Bretagne, y a toujours la crêperie d'à côté, et un marin qui te file une bonne crêpe en ciment, tellement il y a fourré des tonnes. Regarde la tabarre, comme de la pop musique, ça fait un vrai bordel chez les macros très chic. La mer a ses anglais, avec le drapeau noir, on dirait 68 qui s'en vient des trottoirs. Ma maman m'a cousu une gueule de chimpanzé, si t'as la gueule d'un bar, je m'appelle Pépé Ferré. C'est pas comme un avril de mon cul dans ce bar, adossé au destin. Non. Et c'est pas comme demain, en l'an de l'an 10 000, où je suis, tu t'en souviens, c'était beau dans ce temps-là. La mer dans les soleils, avec ou bien sans quille, un bateau dans les dents, des étoiles dans la voie. Et quand on se ramenait avec nos galaxies, ça faisait un silence à vous mourir d'envie. Et les soirs d'illusion avec la nuit qui va dans Brest et dans l'Orient. On pleure et on s'en va. Chut, l'an 10 000, tu te rappelles? Chut. L'an 10 000. L'an 10 000. L'an 10 000.